Tout d'abord, au nom de l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et une joyeuse année à toutes et à tous. Pour ce deuxième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire qui est consacrée à l'histoire de l'idée européenne, nous serons donc à l'orée d'une année importante qui sera marquée entre autres par le Brexit et les élections européennes. Hier, nous avons dressé le portrait d'une Europe des Lumières convoitée par les Européens du XXe siècle en crise avec l'historien Johnson Cantwright. Demain, nous évoquerons l'Europe divisée de la guerre froide et jeudi, dans le documentaire de Catherine Decoppé et Thomas Duterre, nous dresserons le portrait de la grande européenne que fut Louise Weiss, première doyenne du Parlement européen en 1979. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au développement d'une culture commune européenne au XIXe et au début du XXe siècle. Les textes de cette émission d'archives seront lus par Nathalie Canoui est commenté par Christophe Charles. Il est professeur d'histoire comparée des sociétés européennes à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est le co-directeur avec Daniel Roche d'une Europe encyclopédie historique parue récemment aux éditions Actes Sud. Béatrice Joyeux-Prunel est également avec nous. Elle est maître de conférence HDR à l'École normale supérieure en histoire de l'art contemporain. Elle est auteure d'une somme consacrée aux avant-gardes artistiques en Europe et en particulier en France entre 1918 et 1945, sous-titrée, c'est important, une histoire transnationale. Emmanuelle Loyer est également avec nous. Elle est professeure d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris et elle est auteure récent d'une brève histoire culturelle de l'Europe dans la collection Champs Histoire chez Flammarion. Commençons cette émission par une lettre d'Eugène Sue à Monsieur Kaiser, avocat à Amsterdam, en 1843, à propos du succès des Mystères de Paris à l'étranger. Nathalie Canoui. Vos Mystères de Paris font fureur chez nous, monsieur. Outre le feuilleton du Journal des Débats, celui de 5 ou 6 journaux belges, celui du Journal de La Haye, qui tous reproduisent votre encyclopédie des mœurs de Paris, des éditions originales et de contrefaçon, plusieurs traductions, plus ou moins bonnes, tout cela suffit à peine à l'avidité de nombreux lecteurs de votre chef-d'œuvre. Bonjour Emmanuel Loyer. Bonjour. Bonjour à vous, Béatrice Joyeux-Prunel. Bonjour, Emmanuel Laurentin. Et bonjour à vous, Christophe Charles. Bonjour et bonne année. Et merci. C'est vous qui avez souhaité donc ouvrir cette émission avec ce texte de Eugène Sue à son avocat à Amsterdam. On voit bien combien il y a dans cette discussion la possibilité de travailler autour de la culture européenne sur la traduction, l'édition qui commence à devenir la plus populaire qui soit et qui se répand dans toute l'Europe dans cette moitié du XIXe siècle, Christophe Charles. Oui, alors en plus, ce qui est fait allusion aussi dans ce texte, c'est à la reproduction dans les journaux, puisque c'est aussi une des inventions du XIXe siècle, ces fameux romans feuilletons. Donc les Mystères de Paris sont parus en feuilleton dans le Journal des Débats, ce que dit le texte, mais il a été aussitôt reproduit dans d'autres journaux, hein, dont parle aussi le texte, des journaux belges, des journaux hollandais, et puis ensuite ça va être traduit et publié, soit sous forme de livre, soit sous forme de feuilleton dans différents journaux européens. Donc ça montre bien qu'il y a un public de masse qui est en train de se former et qui demande de la distraction avant tout, mais aussi des ouvrages, puisque c'est la spécificité des Mystères de Paris, qui parlent du présent, qui parlent de la société contemporaine. Le thème des Mystères de Paris, vous le savez, c'est décrire les bas-fonds de la capitale, mais aussi alerter les populations sur les dangers que peuvent provoquer les problèmes sociaux. Il y a un personnage qui incarne la prostitution, il y en a d'autres qui sont en prison, il y a des repris de justice, il y a des gens de toutes les catégories sociales. Donc c'est vraiment une sorte de sociologie à chaud qui est présentée et qui fascine les gens, parce que c'est la première fois qu'un roman, d'un coup, met tout ça sur la table. Emmanuel Loyer, la question du roman est une question purement européenne dans cette moitié de 19e siècle. On peut dire que ce roman naît plus tôt. Roger Chartier, dans l'Europe encyclopédie historique, le fait naître avec le Quichotte, évidemment, comme étant la matrice d'une sorte de roman européen potentiel qui se développera plus tard. Mais c'est à ce moment-là, au 19e siècle, qu'on voit justement naître et se développer cette capacité du roman à dire le monde. C'est le début surtout c'est la naissance surtout du roman historique, roman de mœurs, qui en effet est encore une forme spécifiquement européenne, qui va ensuite au XXe siècle, la géographie disons du roman va se mondialiser. Et au cours même du XIXe, d'ailleurs, cette géographie romanesque, elle se transforme. Là, on voit qu'il s'agit du Mystère de Paris, une œuvre française. Et c'est vrai que la France est une des deux grandes puissances littéraires du XIXe avec la Grande-Bretagne, puisque les littératures françaises et britanniques abreuvent l'Europe tout entière, et on lit des auteurs français et britanniques dans les salons de Cracovie, de Saint-Pétersbourg et d'ailleurs. Mais cette géographie va quand même se transformer, puisque justement dans la deuxième moitié du 19e, on aura aussi désormais une littérature, un genre romanesque russe. Bon. Donc c'est vrai que c'est un genre européen, on pourrait dire, et qui associe, je trouve, dans le style, la forme même de très puissamment européen, c'est que c'est à la fois national et international. Et en fait, je pense que c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui, puisqu'elle est liée, il y a des études très intéressantes de Franco Moretti qui le montrent, à la forme nationale. Le roman historique exprime très bien finalement lignée de Walter Scott. Voilà, cette genèse, ce roman familial quasiment de la nation, et en même temps, ils se copient tous les uns les autres, et c'est ce dont parle aussi cette lettre. Alors, tout de même, il y a une question intéressante, c'est que pour se lire et pour se comprendre, il faut aussi se traduire, en l'occurrence, tout le monde, comme au XVIIIe siècle, pour les grands lecteurs de l'époque de l'âge des Lumières dont on parlait hier dans l'émission, ne lit pas le français, et donc il faut d'une certaine façon avoir partout à la fois des agents qui vont vendre les droits, avoir des maisons d'édition qui se développent et qui, comme vous le dites, sont accolées parfois à des journaux de la presse populaire, et puis il faut des traducteurs, Christophe Charles. Oui, alors peut-être vous allez un peu vite en besogne, puisque justement dans le texte dont il est question ici, on est encore dans la phase de construction de cet espace d'édition, puisqu'il y a encore de la contrefaçon, hein, le terme était employé dans le texte, c'est-à-dire qu'on prend les livres sans demander l'avis des auteurs ni des éditeurs, on les reproduit ou on embauche un traducteur qu'on paye le moins possible, et on ne paye absolument rien au véritable éditeur ou au véritable auteur. Et ça va être une bagarre tout au long du 19e siècle. Là, on est encore dans l'époque où les choses ne sont pas stabilisées. On est un peu dans un Far West de l'édition. Balzac a été un de ceux qui s'est battu contre ça en fondant la Société des gens de lettres, etc. Mais il faudra attendre le milieu du 19e siècle pour qu'il y ait déjà des conventions d'accord entre certains pays pour éviter ces contrefaçons. Et il y aura vraiment une convention européenne, et qui encore d'ailleurs n'englobe pas tous les pays, puisque la Russie refusera de la signer, qui va être signée en 1886, donc c'est assez tard. Et les États-Unis, eux, la refusent. Donc on est encore dans un stade de construction de ce droit européen de l'auteur et de l'éditeur. Et justement, dans cet entre-deux, ça permet beaucoup de circulation, puisque comme on ne paye pas de droit, on se gêne pas, on pille la littérature du voisin. Et pourtant, il y a des caractéristiques, dites-vous Emmanuel Loyer, dans votre histoire, brève histoire culturelle de l'Europe, chez Champ Flammarion, il y a des caractéristiques qui commencent à naître, qui permettent justement d'exprimer des caractères nationaux. On sait l'importance des fiancés de Manzoni en Italie, par exemple, on sait l'importance des Jane Austen, on sait l'importance des Sœurs Brontë, etc., qui, d'une certaine façon, ne sont pas, exportables aussi facilement que cela, et pourtant qui s'exportent, qui se vendent ailleurs. Oui, parce que en même temps, un certain nombre d'espaces vont vivre en fait cet apprentissage national, qui est l'apprentissage de l'arrachement finalement à d'anciennes loyautés dynastiques ou plus régionales, et à l'apprentissage d'une loyauté autre, qui est la loyauté nationale. Donc c'est pour ça aussi que et puis le roman, c'est pour ça que c'est exportable. Et puis le roman, c'est une forme très plastique, c'est assez souple, c'est pas un hymne ou c'est pas seulement un contenu d'une certaine façon. C'est pas un fanion. C'est aussi ça qui en fait certainement le succès. Et c'est que c'est à la fois toujours des histoires de singularité, mais qui qui sont riches finalement, de qui sont insuffisamment plastiques pour pouvoir être appropriées un peu partout. Donc Jane Austen, à la fois c'est très anglais, et puis en même temps, bah d'ailleurs Mona Ozouf en parle dans son dernier livre, c'est très anglais, mais quand on lit ça en France, et pas seulement au 19e siècle, ça parle aussi beaucoup. Est-ce que ça unifie aussi à l'intérieur de ces nations qui ne sont pas toutes aussi anciennes que la nation britannique ou la nation française, est-ce que ça unifie aussi les régions avec la capitale? Est-ce que cela permet aussi à l'intérieur de ces nations d'avoir, disons, un échange entre des villes qui croissent, et certaines villes, d'ailleurs, Christophe Charles le dit dans l'Europe Encyclopédie Historique, naissent au 19e siècle, parce que ce sont des capitales qui deviennent des capitales nationales, qui n'étaient que des petits bourgs ou des grosses bourgades, avec les petites villes de province qui parfois sont asséchées. Est-ce qu'il y a un dialogue qui se passe, Emmanuel Loyer? Je crois que c'est un moment où il y a à la fois une nationalisation et une centralisation aussi de l'édition dans ces villes capitales dont Christophe Charles et son équipe ont fait un objet de recherche. Mais c'est aussi même dans les thématiques finalement de ces romans qui sont souvent des romans d'apprentissage, pas seulement nationaux, mais aussi d'un personnage qui a très souvent, et là on est dans le schéma balzacien ou de Dickens, finalement cette invention aussi de la province et de la capitale, l'idée que un personnage disons qui ambitieux doit faire sa vie à Paris ou à Londres, et c'est à ce moment-là finalement que surgit aussi cette notion de province qui n'est rien d'autre que simplement un retard sur l'histoire. La vraie vie est à Paris, la vraie vie est à Londres, c'est ce que nous enseignent tous ces romans. Oui, parce que ces villes commencent à croître, et pas simplement Paris et Londres, qui sont déjà de très grandes capitales dans ce milieu du 19e siècle, Christophe Charles, mais beaucoup d'autres villes importantes se développent, et il y a autour de cette ville une mythologie urbaine qui se crée aussi. Oui, je crois que dans justement le succès des Mystères de Paris est l'explication de ça, c'est-à-dire il y a une fascination en France, mais aussi dans toute l'Europe pour cette ville, Paris, parce que c'est la ville qui a fait la Révolution. Donc quand on met le mot mystère devant cette ville, on se dit, ah, il va nous révéler les dessous de cette ville extraordinaire. Et donc il y a une construction d'un objet symbolique qui dépasse largement, évidemment, la réalité. Et il y a d'autre part le contraste, effectivement, avec les autres pays, où ce type de ville, même Londres, n'a pas la même fonction que Paris, dans la mesure où Londres n'a pas fait la Révolution, et où Londres n'est pas seul en Angleterre. Il y a à la même époque en Grande-Bretagne d'autres très grandes villes qui ne sont pas écrasées comme le sont les villes de province en France. Donc il y a une spécificité française qui joue un rôle dans le succès de ce roman qui essaye d'expliquer Paris aux ceux qui n'y habitent pas, évidemment. Béatrice Joyeux-Prunel, vous qui êtes spécialiste d'histoire transnationale de l'art, en l'occurrence, est-ce que justement ces grandes capitales dont on va voir qu'elles vont se développer toute la deuxième moitié du 19e siècle et puis du début du 20e siècle, ces grandes capitales attirent aussi non seulement les écrivains, les éditeurs, les récits tels que ceux dont on vient de parler avec Emmanuel Loyer, avec Christophe Charles, mais aussi les artistes dans une sorte de grand maelstrom, pourrait-on dire, culturel et artistique. Certainement, il y a des capitales qui attirent plus que d'autres, bien sûr, parce qu'elles sont mieux équipées, elles ont une espèce de rente de situation, par exemple évidemment Paris avec l'école des Beaux-Arts, avec l'Académie, avec le Salon, avec le Louvre, tous ces musées dans lesquels on peut venir copier des œuvres, et puis aussi bien sûr un marché avec le début de formation d'un marché qui au début concerne plutôt quelques galeries, on appelait pas ça des galeries, aussi des marchands de couleurs qui vendent des tableaux, mais évidemment quelle époque on est alors le marché se forme après 1860, et les galeries apparaissent vraiment après 1890, contrairement à ce qu'on croyait jusqu'à il y a quelques temps. On pensait que ça se formait dans les années 1860, mais les galeries apparaissent vraiment dans les années 1890. Les artistes exposent un peu partout, surtout dépend du salon, et c'est vrai que là, pour ça, Paris a un salon régulier qui permet aux artistes de venir d'un peu partout chercher une étiquette, un tampon qui leur permettra de dire voilà, j'ai une valeur puisque j'ai été accepté. Mais d'autres villes ont aussi des salons. Il y a un salon à Londres, il y a un salon à Bruxelles, il y en a aussi à Berlin, il y en a un petit peu partout au fur et à mesure. Chaque ville s'équipe, chaque grande capitale culturelle s'équipe d'un salon. Alors, Paris est tellement important que quand on le quitte, on a beaucoup de mal à quitter cette ville, comme Berlioz, lorsqu'il part en Europe centrale. En 1846, il découvre, disons, un autre monde qui peut l'intéresser, mais qui parfois le rebute. Nathalie Canoui. Thank you. Je t'assure que cette vie nomade, toute pénible qu'elle soit parfois, est d'un grand intérêt. Non seulement sous le rapport de l'art, cela se devine, mais par les observations qu'elle me permet de faire sur les différents milieux sociaux où je me trouve introduit. À Pest, surtout. Ces grands bals hongrois, où tous les Hongrois nobles étaient seuls admis, où l'on ne dansait que des danses nationales, sur des airs nationaux joués par des Zingaris, j'ai été frappée d'impressions vraiment nouvelles. C'est un peuple si différent des autres peuples, et si naïvement fier. J'aurai d'excellents sujets de lettres pour les débats. Un extrait de la lettre du 24 au 25 mars 1846, écrite par Berlioz à sa sœur, à Nancy, sa sœur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une lettre comme celle-ci, Christophe Charles? C'est vous qui l'avez choisie pour cette émission d'archives. Et en quoi nous dit-elle justement l'intérêt du voyage, mais aussi l'intérêt de découvrir des cultures différentes, même si parfois il est difficile de voyager? Bah, il faut expliquer aussi pourquoi Berlioz va dans ces pays aussi lointains. Hein. C'est parce qu'en fait, en France, il n'arrive pas à gagner sa vie. Donc il espère, c'est un petit peu comme ces artistes qui n'arrivaient pas à vendre leurs œuvres à Paris et qui vont essayer de les vendre et de les exposer dans d'autres villes. Donc lui, en tant que musicien, il a ce grand problème, c'est qu'il fait des œuvres extrêmement ambitieuses, des grands opéras très longs, des symphonies, des grands morceaux de musique religieuse. Il organise des concerts à Paris, et quand il a terminé ses comptes, il s'aperçoit que ça lui a coûté plus cher que ce que ça lui a rapporté. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, il s'est dit que ça ne pouvait plus continuer, parce qu'il était toujours avec des dettes. Et donc, il a accepté d'être invité ailleurs, parce que dans d'autres pays, sa musique a beaucoup plus de succès, finalement. C'est le cas en Allemagne. Hein. Il va être fêté en Allemagne par toute une série de souverains qui vont non pas le couvrir d'or, mais enfin lui assurer quand même des revenus beaucoup plus décents. Et il va pousser jusqu'au fin fond à l'époque c'est le fin fond de l'Europe centrale, puisque Pest en question c'est Budapest aujourd'hui. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque il n'y a pas de moyens de transport rapide, donc il faut prendre des bateaux, il faut prendre des diligences, et c'est extrêmement fatigant, c'est très long, il raconte ça en détail dans toutes ses lettres. Et évidemment, si au bout du chemin il n'y a pas quelque chose de nouveau et d'intéressant, on serait fort déçu. Mais là, il a quand même trouvé justement ce qui le passionne, c'est qu'il découvre une autre culture. Et en particulier, hein, il fait allusion à ses danses et à ses musiques zingari, c'est-à-dire tziganes. C'est-à-dire, il découvre tout un autre univers musical, et il va d'ailleurs faire sa fameuse marche de Rákosi, qui va être inspirée en partie de cette expérience hongroise. Donc c'est à la fois un enrichissement matériel, puisqu'il touche des droits beaucoup plus importants quand il est en France, mais aussi un enrichissement pour son inspiration musicale, et ça va se ressentir dans son œuvre ensuite. Et puis ça participe aussi de ce milieu de 19e siècle, très marqué par la redécouverte de traditions musicales, de traditions de contes populaires, etc., qui vont se répandre ensuite dans l'ensemble de l'Europe. Et être réapproprié par la culture savante. Exactement. Emmanuel Loyer. Non, moi je voulais simplement ajouter, je me souviens que dans les mémoires de Berlioz, il pousse même plus loin que Pest, puisqu'il va à Saint-Pétersbourg. Oui. Et c'est là qu'on gagne le plus quand on est un musicien, disons... cherchant comme ça à se renflouer. Ce qui pose aussi la question d'ailleurs de cette frontière de l'Europe avec la Russie. Bon, là, Saint-Pétersbourg participe complètement de cette Europe musicale. Oui, parce que effectivement, il y a de grandes capitales qui se sont créées tout au long du XVIIIe siècle et qui vont devenir des lieux de spectacle, parce que on peut dire que dans ces villes, en l'occurrence, et ces grandes capitales européennes, Christophe Charles, eh bien, on va créer, comme le disait Béatrice Joyeux-Prunel, des institutions qui vont accueillir des opéras, des salles de spectacle, qui vont accueillir les artistes de l'Europe tout entière, et créer d'une certaine façon un réseau de villes qui communiquent entre elles. Oui, c'est à ce moment-là que se met en place aussi un circuit de concerts avec des agents qui recrutent des artistes. Hein. Le plus connu, c'est les grandes tournées que fait Liszt dans toute l'Europe à cette époque. Donc il y a là aussi la création d'un marché musical européen. Mais il faut pas oublier que c'est aussi une Europe encore monarchique. Hein. Et la plupart des gens qui invitent Berlioz, il y a bien sûr des théâtres privés, ou il y a bien sûr des salles de concerts privées, mais c'est aussi beaucoup des réceptions dans les grands salons aristocratiques ou à la cour même, donc dans les grands théâtres subventionnés par les souverains, que ce soit le tsar ou les différents souverains allemands. Donc on est dans une économie un peu mixte, hein, entre le privé et le mécénat traditionnel. Et donc cette économie subventionne à la fois des artistes d'art plastique, enfin qu'on appellerait d'art plastique aujourd'hui, de peinture, de sculpture, subventionne aussi des écrivains parfois et subventionne évidemment des compositeurs de musique. Un texte de Stendhal sur la vie de Rossini, 1823, évoquant justement ce grand homme. Depuis la mort de Napoléon, il s'est trouvé un autre homme duquel on parle tous les jours, à Moscou comme à Naples, à Londres comme à Vienne, à Paris comme à Calcutta. La gloire de cet homme ne connaît d'autres bornes que celle de la civilisation. Et il n'a pas 32 ans. Je vais essayer de tracer une esquisse des circonstances qui, si jeunes, l'ont placé à cette hauteur. Est-ce que l'on n'est pas là, à propos de cette vie de Rossini de Stendhal, dans la suite encore de ce qu'on a connu au XVIIIe siècle, de ce qui est décrit par Antoine Lilti, y compris dans le livre collectif que vous avez co-dirigé, Christophe Charles, c'est-à-dire la naissance de la célébrité et la popularité de personnages importants comme ça, qui sont, sans jamais les avoir vus, eh bien, des foules à Vienne, à Berlin, à Londres ou ailleurs, en entendent parler? Oui, enfin dans le cas de Rossini, c'est pas simplement en entendre parler, c'est l'entendre. C'est-à-dire une des originalités de Rossini par rapport à d'autres auteurs, c'est qu'il est très vite international. C'est-à-dire qu'évidemment, il présente ses premières œuvres dans les opéras d'Italie, mais très vite on fait venir ses œuvres à Paris, à Londres, à Vienne, à Lisbonne, et ensuite on va même l'inviter. Et il va finir sa vie à Paris. Donc c'est un des premiers auteurs d'opéras internationaux. Oui, Emmanuel Loyer, est-ce que cet exemple est un exemple unique ou est-ce qu'il va se multiplier ce genre d'exemple tout au long du 19e siècle? Non, mais c'est vrai qu'au 19e, on voit bien, enfin, c'est un peu des thèses qui sont à la fois celles d'Antoine Lilti ou plus classiques, d'une forme de transfert de sacralité, disons, du religieux vers les artistes, notamment les écrivains qui se retrouvent être des poètes, des écrivains, des prophètes. C'est vraiment, c'est un peu l'idée de Paul Bénichou aussi, cette idée de que peut-être en Europe, c'est le lieu où on a investi, en fait, ce qu'on n'appelait pas des créateurs, puisqu'il n'y avait qu'un créateur, mais les artistes et écrivains d'une gloire, d'une aura. D'une aura, voilà, c'est d'une aura de d'ailleurs, sacré. Vous aurez noté que Stendhal compare à Napoléon. Donc oui, c'est la gloire. Le dialogue des grands hommes. Béatrice Joyeux-Prunel, qu'est-ce qui change avec la deuxième moitié du 19e siècle, en particulier avec l'instauration d'une pratique qui va d'abord être une sorte de dialogue transmanche entre Londres et Paris autour des expositions universelles, mais qui va très vite se doter d'instruments qui vont promouvoir un art ou des arts qui vont se confronter dans des pavillons qui deviendront des pavillons nationaux et qui vont, d'une certaine façon, montrer qu'il existe des arts, des types d'arts, des écoles qui se confrontent face à un très grand public, celui des expositions universelles. Ce qui change d'abord, c'est les possibilités de transport. Et puis, deuxième chose essentielle, c'est les illustrations, les reproductions dans les revues illustrées. Et de manière assez intéressante, les phénomènes de célébrité qu'on constate pour les musiciens, pour les écrivains, il est plus tardif pour les plasticiens, pour les artistes, ceux qui font des tableaux. On le constate beaucoup plus tard, plutôt vers les années 1870-80. Là, on commence à voir que, tiens, des artistes sont très connus, par exemple Rodin, et commencent à faire ensuite des tournées début 20e, beaucoup plus tard, qui sont des grands succès internationaux, jusque en Europe de l'Est et même jusqu'en Russie. Qu'est-ce qui change aussi, bien sûr, c'est la manière dont soudain, les publics prennent conscience qu'il y a des arts à l'étranger, et sachant qu'il y a des représentations nationales dans les expositions universelles, ils se sentent presque un peu obligés d'identifier des styles nationaux. Mmh. Donc c'est ça, cette époque qu'on était inventé d'une certaine manière, ou découvert, ou qu'on a eu besoin l'école, de mettre, voilà, l'école de mettre finlandaise, les mots. Alors, même même si évidemment il y avait déjà des notions d'école, on le voit chez Vasari avec l'école florentine, etc. Mais là vraiment, on s'est mis à caractériser ces écoles. Par exemple, le style belge, c'était un style entre guillemets réaliste. Il y avait le style espagnol avec des couleurs. Tout ça, ça va rester hein, jusqu'à Franco. Le régime franquiste a bien théorisé l'idée qu'il y avait une école espagnole de la couleur, de la violence même. Et on retrouve aussi même à propos de l'école londonienne ou de l'école anglaise, etc. Donc ça, c'est vraiment des prises de conscience assez fortes et qui sont accompagnées par la création de revues, par exemple, qui apparaissent justement dans le sillage de la première et de la deuxième exposition universelle, celle de 51 à Londres, celle de 55 à Paris. Des revues qui vont se donner pour mission, des revues d'art, qui vont se donner pour mission d'expliquer au public les styles, les écoles étrangères et nationales, bien sûr, au premier plan. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Comment réfléchir à cette tension entre nationalisme et internationalisme de cette deuxième moitié du 19e siècle, Christophe Charles ? Eh bien, je crois que c'est d'une part parce que disons, les grandes nations ont servi, comme l'a dit Emmanuel Loyer, de modèle aux nouvelles nations, hein, l'Italie, l'Allemagne, ensuite les pays d'Europe centrale et orientale. Les grandes métropoles ont servi de modèle aux nouvelles capitales. Ils essayent de se doter donc d'écoles de beaux-arts, ils essayent de se doter de salons, ils essayent de se doter de salles de concert, etc. Mais il y a aussi évidemment la volonté de ne pas se laisser coloniser, puisque on l'a vu, l'importation de travaux et de textes étrangers est très massive, donc ils ont essayé de construire une littérature nationale par distinction par rapport à ces grands modèles. Et c'est très frappant pour la littérature russe, puisque à la fois, comme on le sait, les grands auteurs russes parlaient tous français, lisaient tous couramment le français et les grandes œuvres françaises, et en même temps, ils ont essayé de construire un roman qui ne soit ni du Balzac, ni du Zola, ni du Victor Hugo, mais qui a quelques traits, qui ressemble, mais en essayant de traduire la spécificité russe, tout en utilisant des procédés qu'ils ont appris auprès des auteurs étrangers. Donc on retrouve ça aussi en Italie avec les romans de D'Annunzio, puisque D'Annunzio est aussi très très impliqué dans la vie intellectuelle française, mais il va essayer aussi d'inventer un roman purement italien. On retrouve ça aussi en Espagne avec Pérez Galdós, qui fait du Zola, mais qui fait un Zola espagnol, etc. Donc il y a à la fois inspiration venue d'ailleurs et en même temps construction de sa différence par rapport à cette inspiration venue d'ailleurs. Et vous nous disiez au tout début de cette émission que je mettais un peu la charrue avant les bœufs en parlant de la traduction dès les années 1840. Qu'en est-il dans cette deuxième moitié du 19e siècle et en particulier de la structuration d'un marché, un marché capitaliste de l'édition qui va se répandre sur l'ensemble de l'Europe? Alors justement, il y a un phénomène ambigu, c'est que d'un côté, on organise le marché, il y a des grands éditeurs qui veulent tirer les succès étrangers pour en faire de l'argent localement, mais en même temps, il y a une résistance à la fois des critiques qui refusent cette arrivée trop massive de gens, des auteurs eux-mêmes du pays parce que ça leur fait de la concurrence. Et donc, il va y avoir, on constate quand on regarde les statistiques, c'est ce qu'a fait Blaise Villefer en détail dans certains travaux, on voit une baisse du taux de traduction par rapport à la première période dont on parlait avant 1850, quand le marché n'était pas du tout régulé. Mais en même temps, ce qu'on importe, c'est forcément des très grands succès. Donc, ça fait quand même de l'ombre aux auteurs locaux. Et il y a une compétition entre des auteurs locaux qui n'ont pas la même aura que les grands auteurs internationaux et ces auteurs internationaux qu'on traduit partout. Voici par exemple le problème des traductions de Zola vers l'allemand, un texte de 1887 lu par Nathalie Canouy. Le grand public, chez nous, ne sait pas suffisamment votre langue pour lire vos romans. Même parmi les écrivains et les journalistes, il y a bon nombre de gens qui, tout en causant français, ne se risquent pas volontiers à lire les auteurs parlant une langue de choix. Tout cet immense public ne trouvait jusqu'ici que des traductions renchérissant sur les scènes vives et les rendant dans un langage malpropre. Cette prose crue dissonnait dans notre idiome qui ne permet pas certaines libertés d'expression sans tomber dans l'obscène. je défie qui que ce soit de lire une traduction allemande de Nana sans éprouver un profond dégoût. Le pire est que ces traducteurs, tout en reproduisant si maladroitement et si mal à propos les mots pour lesquels notre langue manque encore d'expressions convenables, ont négligé de transcrire avec art tels endroits de vos livres en qui consiste votre supériorité et votre grandeur. Le résultat fut que les gens, comme il faut, ne lisaient pas les traductions de vos romans. Ceux qui ne parvenaient pas à les comprendre en français se contentaient à souscrire de bonne foi à ce que la critique, alors fort envenimée à votre endroit, leur répétait à satiété. Voilà donc un texte fort intéressant qui nous dit effectivement qu'il y a une professionnalisation de cette question de la traduction qui se met en place dans cette deuxième moitié du 19e siècle, Christophe Charles, et qu'il n'est pas évident de se faire entendre dans l'Europe tout entière quand on s'appelle Zola. Oui, parce que évidemment c'est un type de roman qui n'est pas tout à fait le roman à l'eau de rose ou les romans bon chic, bon genre des auteurs anglais. Donc c'est un roman qui choque énormément, qui choque même en France, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre... Emmanuelle Loyer qui est très choquée, elle, qui admire les auteurs anglais. Mais allez-y, continuez Christophe. Non, mais je n'ai rien de mal contre les auteurs anglais, mais pour quelqu'un qui lit Jane Austen, Zola, c'est un peu hard. D'ailleurs, il y a une expression que je trouve savoureuse dans ce texte, les scènes vives. Donc, vous imaginez ce que sont que les scènes vives. Bon, rideau. Donc il y a une censure, hein. Faut pas oublier que la France est un des rares pays où la censure littéraire est beaucoup moins rigoureuse que dans les autres pays européens. Donc on caviarde systématiquement des œuvres comme celle de Zola. En Angleterre, l'éditeur de Zola aura même des procès par les ligues de vertu. Les ligues de vertu vont le traîner devant les tribunaux. Il va être mis en faillite par ces listes de vertu. En Europe centrale, c'est un petit peu la même chose, mais il y a quand même un peu plus de liberté. Et surtout, il y a une grande liberté des traducteurs par rapport à l'authenticité des textes. Et c'est un peu ce que dit ce texte. Surtout, il y a eu une utilisation de Zola aux limites de la pornographie, puisque les premiers éditeurs qui ont traduit Zola étaient des éditeurs, disons, du bas du panier, enfin, qui vraiment étaient dans la littérature un peu... Second rayon. Voilà, second rayon. Et ont retenu justement dans Zola ce qui choquait pour attirer le public, en laissant de côté tout ce qui, chez Zola, peut être aussi intéressant sur le plan littéraire, parce que c'était trop compliqué à traduire. Donc il y a une distorsion totalement de l'image entre le Zola réel, si tant est que ça existe, et le Zola tel qu'il est consommé dans d'autres pays. Oui, Emmanuel Loyer. Non, je suis frappée dans cette citation aussi de la domination de la langue française. Enfin, le français, c'est pas seulement la littérature, c'est la langue est vue comme une langue riche, souple, etc. Alors que l'allemand, ce n'est pas seulement qu'il y a des mauvais traducteurs, c'est aussi, on a l'impression qu'il n'y aurait pas suffisamment de mots et suffisamment. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que c'est toutes ces nouvelles nations, ces nouveaux états-nations, il y a aussi une politique de la langue qui se met en place. Est importante. Et on sait très bien comment l'allemand, enfin d'ailleurs Goethe en parle beaucoup, hein, la nécessité pour cette jeune langue allemande de s'enrichir, notamment avec des termes grecs, etc. C'est d'ailleurs ce que vous expliquez très bien dans le livre collectif que vous avez co-dirigé, l'Europe Encyclopédie Historique, à propos des langues et à propos des langues nationales, mais aussi à propos des traductions. Et vous citiez Blaise Villefer, qu'il faut citer aussi autour de cette question-là. Béatrice Joyeux-Prunel, si on veut complexifier encore un peu ce paysage du 19e siècle, il y a donc ces nouvelles nations qui se créent, cet internationalisme qui se crée aussi. Il y a aussi une autre notion qui va naître dans cette deuxième moitié du 19e siècle. C'est la notion d'avant-garde qui va bouleverser aussi les catégories, en particulier dans le domaine artistique qui est le vôtre. La notion elle-même, le mot apparaît tardivement, mais l'idée d'avant-garde au sens sociologique du terme, en fait, elle n'est pas nouvelle. Elle apparaît au début du 19e avec, évidemment, les romantiques. Et même les romantiques eux-mêmes étaient des modernes contre les anciens. Donc, à la limite, rien n'était nouveau sous le soleil, puisqu'il fallait bien que les jeunes fassent une fois leur place et fassent un peu de bruit pour se faire entendre. Mais effectivement, ce qui est nouveau, en revanche, c'est l'internationalisation du phénomène, au sens où ces artistes, entre guillemets, guillemets d'avant-garde. Le terme commence à être vraiment utilisé à Paris 1912. 1880, oui, en voilà, France, et ensuite exporté plus tard. Oui, mais même les années 1880, c'est un critique qui se dit d'avant-garde au sens politique du terme. Mais en tout cas, vraiment à partir des années 1800, fin des années 1880, les artistes qui veulent faire leur place au soleil, comme donc qui décident d'être d'avant-garde, vont le faire à une échelle internationale. Et ça, c'est très nouveau. Et ça, comment l'expliquer ? Et Paris va être un des lieux, justement, de cette internationalisation, ou pas simplement ? Paris est un des lieux, mais pas le seul, au sens où ça se joue sur plusieurs capitales. On ne peut pas faire son trou tout seul à Paris. Il faut arriver à montrer qu'on a justement une surface internationale, et que cette surface, elle se joue aussi bien à Berlin, à Bruxelles, à Londres, qu'à Paris, et voire même à New York, surtout plus tard à New York. Mais cette lutte, entre guillemets, pour l'existence, et même aussi pour avoir un marché, elle se fait à l'échelle internationale. Mais parce que aussi, le terme de modernité, dont on sait qu'il a été popularisé entre autres par Baudelaire, mais ce terme de modernité va devenir une notion positive, ce qui n'était pas peut-être pas le cas auparavant, et ça va devenir une nouvelle norme, Béatrice Joyeux-Prunel. Ce qui devient la norme, effectivement, c'est d'être différent, c'est d'être d'en appeler justement à l'avenir. L'exagération maximale de tout ça, ce sera le futurisme après 1909, et ça devient effectivement très moderne. Et on n'a pas envie de dire qu'on est un ancien, effectivement, à cette époque qui est consciente d'être une époque d'industrialisation, de modernisation, et dans ce sens-là, les modernes sont même aussi des gens qui sont souvent un peu engagés en politique. Alors, il y a un cas sur lequel vous insistez dans votre livre Une brève histoire culturelle de l'Europe, Emmanuel Noyer, mais sur lequel aussi Christophe Charles est tout à fait compétent. C'est le cas un peu étrange de Vienne comme capitale, dont on se dit voilà une ville qui devient une ville des avant-gardes, comme celle dont on parlait à l'instant même avec Béatrice Joyeux-Prunel. Et pourquoi Vienne, alors que son poids politique, son rôle politique n'est pas si important que cela, pourquoi Vienne devient-il ce lieu d'attirance, pourrait-on dire, de tout un tas d'œuvres et d'artistes qui regardent ce qui s'y passe avec beaucoup d'envie, que ce soit dans le domaine du théâtre, que ce soit dans le domaine des romans, que ce soit dans le domaine des arts. Des sciences. Enfin, des savoirs avec Freud. L'architecture, voilà. Christophe Charles. La raison, elle est complexe, mais il faut rappeler d'abord que Vienne, c'est la capitale d'un empire multinational, qui attire des gens de différentes nationalités, différentes origines, et en particulier, il y a une très forte communauté juive qui souvent n'est pas viennoise, et qui est souvent, enfin, c'est le cas de Freud, il vient de Moravie. Donc on est dans un espèce de melting pot, et tous les lieux qui sont des lieux d'avant-garde sont en général des lieux qui mettent en contact des cultures différentes, des origines différentes, des individus qui viennent d'ailleurs et qui confrontent leur culture et leurs apports. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est sans doute que comme l'Autriche a été battue par l'Allemagne à Sadova et que l'unité allemande s'est faite contre l'Autriche, l'Autriche ne peut plus prétendre, comme elle le tentait de le faire depuis Charles Quint, d'être le grand empire qui va dominer l'Europe centrale. Elle est battue maintenant sur le plan militaire et sur le plan industriel, donc il y a une sorte de refuge dans la culture, enfin en tout cas c'est une des explications que donne Karl Schorske dans son livre Vienne fin de siècle. Les élites ne croient plus qu'elles ont une mission globale, politique, etc., donc elles se réfugient, enfin un certain nombre d'entre elles se réfugient dans la culture, dans la haute culture, et prennent une revanche ainsi symbolique, puisqu'elles ne peuvent plus prendre la revanche sur le plan politique ou matériel, puisqu'ils sont surclassés par l'Empire allemand. Donc ça peut être une autre explication. Et une troisième explication, c'est sans doute aussi une illusion rétrospective. C'est-à-dire que cette idée que Vienne est la capitale des avant-gardes, c'est né en fait grâce à la grande exposition du Centre Pompidou. À la fin du XXe siècle. Du XXe siècre, qui a évidemment mis l'accent uniquement sur les novateurs et qui a totalement donné une image distordue de la réalité, puisque quand vous regardez véritablement ce qui se passe à Vienne, il y a exactement les mêmes choses que sur le boulevard parisien, c'est-à-dire des comédies de boulevard, des opérettes, des spectacles tout à fait basiques. Oui, ça c'est votre grande qualité que de travailler justement sur, ce qui se produit à un moment donné. Et donc ces avant-gardes sont très minoritaires en fait dans leur ville. Elles sont stimulées à se distinguer par rapport à cette culture bourgeoise ou cette culture un peu basique qu'on retrouve un peu dans toutes les capitales, mais c'est aujourd'hui qu'on en a fait vraiment le centre du monde, alors qu'en fait, eux se sentaient très marginaux parce qu'ils étaient minoritaires par rapport à la grande culture traditionnelle. Béatrice Joyeux-Prenel, vous opinez du chef. Oui, complètement, parce que pour les arts, c'est la même chose. D'une part, les avant-gardes telles qu'on les a canonisées, qu'on les appelle les avant-gardes à Vienne à la fin du 19e siècle, ce sont des gens totalement intégrés dans la grande bourgeoisie, l'aristocratie de l'époque. Et d'autre part, aussi phénomène intéressant, Vienne, c'est une ville qui n'est justement pas dans les trajectoires, dans les carrières de ces artistes qu'on appelait les modernes, impressionnistes, post-impressionnistes, cubistes, etc. Vienne, c'est justement comme une espèce de noyau qui n'accueille pas ces gens. Alors on ne sait pas trop, moi je m'interroge encore sur cette question. Je pense qu'il y avait des médiateurs qui auraient pu l'être, mais qui ne l'ont pas été, parce qu'ils ont fait frontière, ils ont importé ou exporté que les gens qu'ils voulaient, qui étaient leurs amis, et qui étaient d'une certaine génération, aristocratique d'ailleurs en général, et donc pas fait place aux jeunes. Oui, vous dites dans votre livre, Emmanuel Loyer, que le choix inouï de l'excellence artistique a peut-être été un des critères du patriotisme autrichien qui aurait été marginalisé par ses défaites politiques et militaires en l'occurrence. Oui, bah là ça va dans le sens de ce que disait Christophe Charles, mais Christophe Charles lui-même montre qu'il y a une forme de spécificité viennoise dans son livre sur le théâtre, parce que par exemple c'est la seule capitale où des actrices sont intégrées à la bonne société. Donc ça veut dire qu'il y a quand même cette... Cette légitimation exception culturelle. Oui, et comment des banquiers sont très heureux que leur fils devienne artiste ou acteur, etc., qui est quand même quelque chose d'assez spécifique. Cela dit, je suis d'accord, c'est essentiellement plutôt une sorte de lieu de mémoire européen. Mm-hmm. L'exposition dont vous parliez, sauf erreur, s'appelait l'Apocalypse joyeuse. C'est un peu l'idée tout à fait zweigienne de cette très belle Europe, le monde d'avant. Avant, évidemment, le vertige de l'autodestruction. De la Première Guerre mondiale et du suicide de cette Europe. Et justement, le monde d'avant, c'était le 4 décembre 1910, une lettre de Claude Debussy à Jacques Durand, depuis Vienne. Mon cher Jacques, mon séjour à Vienne a été marqué par une telle suite d'incidents fâcheux ou ridicules que je n'ai pas jugé utile de vous en entretenir. Enfin, le concert a réussi, surtout Iberia. On n'a pas pu jouer la mer, pas plus que les nocturnes, par manque de temps. Naturellement, on m'avait assuré que l'orchestre savait la mer, l'ayant joué 3 fois. Oh, mon ami, si vous aviez entendu cela. C'était à regretter, chevillard. Pour les nocturnes, même aventure. J'ai donc pris le parti de m'en tenir à la petite suite, l'après-midi d'un faune et Iberia. Et je vous assure que mettre Iberia au point en 2 répétitions représente un effort assez appréciable. Sans vouloir prétendre à ce que l'on grave ce haut fait sur le marbre de l'éternité, ça n'est tout de même pas banal. J'en avais les nerfs en 8. N'oubliez pas que ces gens ne me comprenaient qu'à travers un interprète, en l'espèce docteur en droit, qui peut-être ne transmettait ma pensée qu'en la déformant, on ne sait jamais. Du reste, je ne sais pas quels moyens je n'ai pas employés. J'ai chanté, fait des gestes de pantomime italienne, etc. C'était à attendrir le cœur d'un buffle. Eh bien, ils ont fini par comprendre, et j'ai eu tout de même le dernier mot. On m'a rappelé comme une danseuse, et si la foule idolâtre n'a pas dételé les chevaux de ma voiture, c'est que j'étais en simple taxi auto. En somme, si l'on doit tirer une moralité de ce voyage, c'est que je ne suis pas fait pour exercer la profession de compositeur de musique à l'étranger. Il y faut l'héroïsme du commis voyageur et consentir à une sorte de compromis qui décidément me répugne. Ce soir a lieu le concert à Budapest dans une salle qui ressemble au hammam. Il me tarde d'être à demain matin, 6h50, l'heure bénie où je pars pour Paris sans m'arrêter. Vous me verrez donc très probablement jeudi, place de la Madeleine, où je vous raconterai avec plus de détails et plus d'entrain ce mémorable et ennuyeux voyage. Tout amicalement vôtre, Claude Debussy. Alors, il ne faut peut-être pas exagérer ses qualités de traduction de, des Européens qui voyagent dans cette deuxième partie de 19e siècle ou tout début de 20e siècle. Christophe Charles, même si Claude Debussy aime bien être joué à l'étranger, il se dit que peut-être c'est meilleur d'être prince chez soi que roi à l'étranger. Oui, faut toujours imaginer qu'on est encore dans une époque où la musique, c'est essentiellement de la musique jouée en orchestre et qu'il faut se faire comprendre des musiciens. Donc quand on est avec des musiciens d'une autre nationalité et qu'on ne parle aucune langue étrangère, ce qui est le cas de Debussy, bon, il bredouille un peu l'anglais, mais à l'époque, c'est pas du tout une langue internationale, en tout cas pas en Allemagne. Et du coup, bah, il dépend effectivement d'interprètes et... Comme en plus cet interprète visiblement n'est pas un spécialiste de musique, il ne devait pas forcément disposer de tout le vocabulaire technique pour faire comprendre ce que Debussy voulait faire jouer quand il interprétait tel morceau. Mais néanmoins, le marché est là pour compenser tout cela. Ce marché de l'art que vous avez décrit, en l'occurrence Béatrice Joyeux-Prunel, c'est parce qu'il y a de l'argent qui circule, il y a des gens qui sont intéressés par l'art qui est en train de se faire, par le développement justement de ces échanges culturels internationaux et en particulier de ces échanges culturels en Europe. Et cela, c'est une façon de compenser par l'argent, peut-être d'autres peines que l'on peut avoir sur le point de vue, au point de vue symbolique. Le marché, effectivement, est très efficace, mais le marché ne fonctionne jamais seul. Il fonctionne, je dirais, avec deux logiques assez efficaces à l'échelle internationale. D'abord, des médiateurs, des gens qui se sont faits comme une profession, sans avoir de profession souvent, de faire passer les œuvres, les esthétiques, les idées d'un pays à l'autre. Ce qui est très intéressant et qui est même souvent très drôle, c'est de voir la manière dont, même en faisant passer seulement des œuvres visuelles, en fait, ils font passer des idées très différentes. Mmh. Ils resémantisent les œuvres et les mouvements et les adapte au contexte d'arrivée, quitte à faire de vrais contresens. Par exemple, si on pense à la peinture pointilliste de Paul Signac, qui était Paul Signac, quelqu'un très à gauche, ancré dans des convictions anarchistes, et qui voulait par sa peinture changer la vie des gens et les pousser à une prise de conscience presque. On n'est pas dans le marxisme, mais bon, une prise de conscience de leur place dans la société. Ça arrive en Allemagne comme une espèce de nietzschéisme dionysiaque ou apollinien selon tout ça chez des athées esthètes cosmopolites et rentiers bien entendu. Autre deuxième logique très importante, c'est celle des imitations. C'est-à-dire, on voit se mettre en place des logiques de mimétisme entre collectionneurs. C'est ça. Des grands collectionneurs qui voyagent, qui en ont les moyens, qui sont soit des grands entrepreneurs, des financiers qui, pour leur métier, voyagent et donc ont un peu de temps pour aller dans les galeries, soit justement de ces esthètes, comme par exemple le comte Kessler, qui sillonnent l'Europe, vont d'une sécession et d'un salon à l'autre, et qui aussi font salon eux-mêmes, ou vont dans les salons d'autres collectionneurs, et qui voient ce que les autres, leurs homologues, collectionnent, et qui donc veulent la même chose. Et on voit dans les correspondances un tel qui demande à Matisse, au début du siècle, je voudrais, tiens, un tableau pareil, mais pas pareil. Donc la danse va devenir les joueurs de flûte autour d'une tortue. Voilà, on a comme ça ce genre d'imitation, et les artistes sont évidemment ravis, s'adaptent très bien à ces phénomènes. Oui, Emmanuel Loyer, est-ce qu'on peut dire effectivement qu'au terme de notre voyage dans cette Europe du 19e siècle et du tout début du 20e siècle, il y a là, effectivement, un marché... un goût, quelque chose qui est partagé, de plus en plus partagé par les Européens, qui leur dit qu'ils appartiennent, entre guillemets, à des cultures certes différentes, différenciées selon les nations, mais qui partagent quelque chose, d'une certaine façon. Oui, moi je suis assez rétive et je crois que tous les historiens le sont, à l'idée d'identité qu'il faudrait définir par un contenu, etc. On a plutôt... On sait que c'est un continent incertain, c'est ce que dit dans l'Europe encyclopédie historique, c'est un continent incertain, oui, l'Europe, on ne sait pas très bien ce que c'est, on ne sait pas où ça commence et où ça s'arrête. Donc, oui, il y a la question de la géographie mais pas simplement. De l'histoire, de où on remonte, de quelles valeurs. Alors justement, mais par contre, je trouve qu'on a esquissé là l'idée qui me semble être qui est une idée formelle, mais de kaléidoscope européen, c'est-à-dire où c'est en effet des styles, des formes, mais qui à chaque fois se déclinent différemment tout en étant commune. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très spécifiquement européen. L'autre chose dont on n'a pas parlé, c'est évidemment qu'on se découvre européen quand on sort de l'Europe. Donc il y a cette ce que dans l'encyclopédie historique les auteurs appellent une sorte d'extraversion qui est spécifiquement européenne depuis spécifiquement en tout cas qui est très européenne depuis déjà longtemps et en tout cas depuis le XVIe siècle. Et cette Europe du XIXe siècle, c'est aussi une Europe qui nourrit un projet impérialiste, colonial, qui est une des incarnations possibles de cette extraversion, entre guillemets. Est-ce qu'on s'en tire avec ce que dit dans l'Europe encyclopédie historique Antoine Lilti, Christophe Charles, c'est-à-dire que les Européens ont en partage ce qui les sépare, puisque ça ne suffit pas? Oui, c'est une façon de ne pas répondre. C'est ce que je suggérais, mais... Non, je crois qu'il faut aussi ne pas... Parce qu'on a surtout parlé des avant-gardes, on a surtout parlé des arts un petit peu de la haute culture. Il faut pas oublier aussi que circule bien au-delà de ces arts de haute culture une culture de masse, hein, qui est aussi une des originalités du 19e siècle, qui passe par la presse, qui passe par le visuel, qui passe par la photographie, qui passe la aussi carte postale, par la carte postale, qui commence aussi à se diffuser à travers la musique enregistrée qui commence à apparaître à la fin du 19e siècle, puis avec le cinéma, ça va être encore un autre support. Donc il y a toutes sortes d'usages de cette culture, des usages d'élite, des usages de masse, des usages traditionnels. Alors est-ce que ça suffit à créer l'Europe ? Non, la preuve c'est que l'Europe a explosé quelques années plus tard. Est-ce que ça suffit aussi à définir l'Europe par rapport au reste ? Non, parce qu'on voit bien qu'il y a des prolongements de l'Europe vers les États-Unis. Hein. Les grands collectionneurs américains sont des très grands consommateurs de toutes les œuvres dont parle Béatrice Joyeux-Prunel. C'est la même chose pour le théâtre, c'est la même chose pour le roman. Donc c'est une Europe dont les dimensions en fait sont extensibles sur plusieurs continents, mais qui est aussi très en prise sur ses spécificités parce que elle a peur, en tout cas c'est des grandes peurs qui commencent à apparaître au début du XXe siècle, elle a peur de l'arrivée des barbares, entre guillemets, donc il y a le moment du péril jaune, et il y a la peur de l'arrivée des populations venue des colonies. Donc c'est une Europe qui n'est pas stabilisée et qui va être en proie à tous ces démons avec la guerre de 14. Merci à vous tous les trois. Donc Christophe Charles, je rappelle que vous avez dirigé un ouvrage qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, qui est un ouvrage considérable de plusieurs milliers de pages, puisque ça fait presque 2000 pages, c'est ça? 2400. Soyons pas modestes. Donc formidable ouvrage collectif que vous avez co-dirigé avec Daniel Roche, mais également Paul Boulan, Christophe Duhamel, Bruno Dumézil, Antoine Lilti, Brigitte Marin, Stéphane Vandamme et Blaise Villefer-Portal. C'est aux éditions Actes Sud. Béatrice Joyeux-Prunel, on pourra lire vos travaux et en particulier les avant-gardes artistiques qui continuent notre histoire après 1918-1945. C'est chez Folio Histoire. Et l'Emmanuel Loyer, c'est une brève histoire culturelle de l'Europe chez Champ Flammarion. Merci à tous les trois pour avoir inauguré cette année 2019 dans la Fabrique de l'Histoire. Et merci bien sûr à Nathalie Canoui ainsi qu'à Céline Leclerc qui avait débusqué cette lettre de Claude Debussy à Jacques Durand qu'on a lu à la toute fin de cette émission. Cette émission était préparée par Céline Leclerc et par Aurélie Marsay. Alexandre Dang était à la technique et Thomas Duterre à la réalisation.